Tire, tire si tu veux tirer. Toute façon tu sais même pas viser. Ça, ça viscère même au lycée. Quand on aime on ne compte pas, je préfère l'argent que le succès. Tire, tire si tu veux tirer. Toute façon tu sais même pas viser. Ça, ça viscère même au lycée. Quand on aime on ne compte pas, je préfère l'argent que le succès. Je préfère l'argent que le succès. Oui. Je préfère d'aide que de sucer. Oui. Je dis pendant que tu chies, dis pas t'as tout fait. Nanana. Cette bitch est bonne, je veux qu'elle me pompe, ça part en sucette. Yeah. Roule, roule. Oui. Vroom, vroom. Je débarque avec eux, mes gars, t'as reconnu le gang, mais t'inquiète, on est cool, cool. On a de la beuh plus verte que les yeux de ta meuf. Ouais. Et le 17 décomposé sur le tel du blond aux yeux bleus. Tire, tire si tu veux tirer. Toute façon, tu sais même pas viser. Ça, ça viscère même au lycée. Quand on aime, on ne compte pas, je préfère l'argent que le succès. Tire, tire si tu veux tirer. Toute façon, tu sais même pas viser. Ça, ça viscère même au lycée. Quand on aime, on ne compte pas, je préfère l'argent que le succès. En vrai, toi, je te baratis. Je préfère ta copie. C'est une vraie coquille. Casse-toi si tu veux. Cocaïne dans tes narines. Tu sens même plus que les gens peu. Une putain de limousine, aussi long que ma queue. Je suis pas pressé, j't'écris sur ton fessier. Si tu veux nous sauter, me défoncer, j'aurais visé. Codes sont mémorisés, j'ai pas besoin de réviser. Les glocks vont se vider et ton cadavre va se cribler. Tire, tire si tu veux tirer. Toute façon, tu sais même pas viser. Ça, ça viscère même au lycée. Quand on aime, on ne compte pas, je préfère l'argent que le succès. Tire, tire si tu veux tirer. Toute façon, tu sais même pas viser. Ça, ça viscère même au lycée. Quand on aime, on ne compte pas, je préfère l'argent que le succès. Et sa mère, et sa mère. Hollywood, je fais de l'argent. Je suis un négro du wood. J'ai un sniffé Wesson. Et quand tu vois son bout, j'ai l'impression que tu boutes. Y'a baise assis, ou debout. Quand je suis dedans, elle applaudit du boule. Si tu fais pas attention, tu finiras menotté. Et c'est derrière les barreaux que tu vas souffler tes gibous. Tire, tire si tu veux tirer. Toute façon, tu sais même pas viser. Ça, ça viscère même au lycée. Quand on aime, on ne compte pas, je préfère l'argent que le succès. Tire, tire si tu veux tirer. Toute façon, tu sais même pas viser. Ça viscère même au lycée. Quand on aime, on ne compte pas, je préfère l'argent que le succès. C'est la Batara Gang, 4 négros, on fout prend gang, bang. Bang bang, le chargeur est plein, plein. On te flingue, si tu fais le show négro, on va te brûler. Pas le temps de les barres, on veut de la money, ma fille. T'approches pas des loups de nous, faut se méfier. Tous fait dans le secteur, mais ce qu'il abat les inspecteurs. Dans la zone on zoome, dans la zone on vend, non négro n'est pas peur. Plein et le chargeur, on les filme demain ou bien t'as l'heure. Dans la zone on zoome, dans la zone on vend, non négro n'est pas peur. Je plus de blé que l'agriculteur, BTG plus ça comme freezer. Y'a tout sous à se faire, le temps c'est de l'argent, négro dis-moi il est quelle heure. On baisse ton phaser, mais on a un peu pitié pour ta mother. On veut du pif, ils partent tous de mourir, mais quand ça tire ils pleurent. Jao, Eke et Bison, toujours à la pluie comme un bison. On fait du sexe, non pas de bisous, je les graille comme du pont de boulot, son âme a des sous. T'es en dessous, t'es chelou, j't'arrose comme une pelouse. Négro j'connais des meufs qui baissent tellement qu'elles se mettent à perdre du goût. On va pousser les fuck, fuck bitch, qui veut de la drogue. Ok, nice, goûte à mon glock, ensuite glisse les sous sous ma porte. Salope, approche, fouille dans ma poche, sors la capote. Pas le temps t'attends, fais les colous, la mélodie t'assomme. Tout est caché dans les buissons, nique ta mère, j'suis organisé comme bison. Ces négros parlent beaucoup, mais peu de temps après reviennent te faire la bise. Tout ça c'est bisous. Giacomo en puissance telle une fusée. Négro Bellec, la prod est maîtrisée. Encaisse des euros comme personne sans être usé. Gros, j't'ai aperçu, me restera plus qu'à viser. Kalash, Famas, fusil ou Uzi. C'est vrai, Jaco, balotélisé. J'suis bourré d'énergie mais peu alcoolisé. La prod est trop bonne, frère, que je me régale. J'dis pas prêt quand tu traverses la balle. Bitch, il faut juste que t'avales. Bien sûr tu vas nous écouter en avalant. Kof Kof, Olka, Dors, Batara Gang, Avery en avalanche. Depuis le temps on fait du sale, ouais il fallait. La transac se fera dans une allée. Tête vénère dans tes clips, t'en as pas l'air. Te monte pas sur la tête du bloc, ils vont canner. Gros, si tu t'approches d'un pas, on tire. On te rattrape pas, y'a que les vrais négros qui s'en tirent. Pas le temps de l'épargne, mon négro, nous on veut de la money mafia. Ça t'approche pas de moi, t'approche pas des loups de nous, faut se méfier. Sortez les AKK comme Tony Montana, je vais tous vous enculer. Mes Joe sont libres, moi comme des Yakuza, c'est plus que des tarés. Appelle-moi Mufasa, j'ai pris la place, je vois comme t'as vu, j'ai fumé. On va te rafaler comme Bob l'éponge, je t'auras la peau trouée. Négro, si tu payes pas, tu seras wanted, t'auras plus qu'à prier. Les lores et Koyinda, Batara Boyoka, mes négros sont fâchés. Qui vient foutre le bordel dans le rap game? Ouais, c'est nous, Batara Gang. Cacagoulé, capuché ou armé, on s'apprête à te faire la guerre. Comportement, attitude, gestuelle, si t'as pas les droits, c'est la merde. Fuck qui vit, j'ai pas besoin du chétan, même pour te faire vivre un enfer. Zin Dumba, Pépon, j'crache des yeux doux, toujours pipé, survette, boubou. Me harche, j'écharpe comme mes yeux. Asmir, BK, 7-8, ça trouvera. Mais négro, c'est la guerre, me harche de sortie, les vegans sont en U. Même si tu fais des mecs face aux 9000 mecs, tu te feras tout petit. Tu gères pas de meuf, y'a que tes lacets que je t'ai vu serrer. C'est plus la droite avec un sac pâtis si jamais j'apprends qu'elle a ses règles. J'suis pas le Malboro, mais plutôt ta mère en levrette. Bien sûr que j'aime le rebeu, mes billets ont la couleur des beurrets. CSK2I, Bellec, Charles Uzi, c'est pas des jeux fusils, ils fusent comme des fusées, comme bisous, j'suis futé, des barrettes dans le futeux, c'est pas en filmant, tu vas se perdre dans le footeux. Si tu veux traiter ma mère, Charles Compo, espèce de malpoli. À chaque fois que Charles et qu'elle veut me serrer, j'sais pas pourquoi, peut-être que j'ai la police. Grosse que des reptiles, tu veux une partie de jambolaire, y'a pas de lézard. La ski, toute ta vie tu traites, tu te vois à ça de lazard, c'est pas un hasard. Gros, c'est la bataille à gang. Nous tester, dis-moi qui peut. On est équipé, le vol le bloc, je le vois comme des types. J'suis le meilleur, yeah, garde tes marabouts, bou. Si je te prends en levrette, bref, t'auras le cul rose comme bou. Tu veux de la beu, de la frappe, nous avons, vous. Je veux te monter en l'air, on va t'appeler mode avion, vion. Gros, c'est la bataille à gang, et on les baisse tous ces bataladés. Gros, c'est la bataille à gang, et on les baisse tous ces bataladés. Gros, c'est la bataille à gang, et on les baisse tous ces bataladés. Gros, c'est la bataille à gang, et on les baisse tous ces bataladés. Gros, c'est la bataille à gang, et on les baisse tous ces bataladés. Work hard music, it's so good. Mes négros sont gang gang, j'suis dans le Benz. Mon négro freezer est équipé. Akaloba bang bang, j'vais des billets verts comme la zébelle que j'fume mes vudets. Si tu veux c'est dempou, vas-y twer, baby mets ma poche, j'suis brolyé. J'croque après l'oseille, j'aime bien tes fesses, mais la monnaie m'a fidélisé. Mes négros sont gang gang, j'suis dans le Benz. Mon négro freezer est équipé. Akaloba bang bang, j'vais des billets verts comme la zébelle que j'fume mes vudets. Si tu veux c'est dempou, vas-y twer, baby mets ma poche, j'suis broliqué. J'croque après l'oseille, j'aime bien tes fesses, mais la monnaie m'a fidélisé. J'ai ma matrement, j'pense que les fumées il était temps. Jack on n'a pas débuté, j'enchaîne que les buts, j'suis pas l'un des débutants. A chaque couplet sont pénalisés, on est les meilleurs en réalité. Si ça fait reta, c'est que ton rap est mort, j'attends celui qui vient te réanimer. MC, tu parles, beaucoup voudraient mieux que tu fermes ta bouche. Ils ont de la merde dans la couche, je réveille ces salopes quand j'compte mes cartouches. On a un peu trop de temps d'avance, on voit la totalité quand je t'avance. Jack au 2-7 au se vend, une balle dans leur crâne, je cache pas que j'ai les pieds sur le bitume. Espèce de fils de pute, je ramasse mes thunes sans te dire enchanté. Ouais. Tu veux consommer, viens chercher ton légume. Peut-être que cette fois je te dirai enchanté. La blonde ou la brune, laquelle va me combler? Sachant qu'il est difficile de me combler. J'aime ces gicots, je sais sur qui compter. Est-ce que ma plume rapportera du blé? C'est pour mon gars Hassan, branché pur bondinois. Le radar c'est la casa, Willow et Favelas. Colio Ode Melosa, ici tout le monde porte le brassard. Je roule un gros de feuilles, je suis avec mon gars. Dis-moi, je tu n'es pas de taille, pourquoi tu te mesures? Brasco qui m'appelle, donc je rêve à l'appel. Le cul entre deux sièges, je m'arrête à 8 mesures. On est dans le Banks, everyday. On veut de la maille en quantité. Le gars dans mon bloc à Freezer à Cagnosa. Je roule un putain d'ouka, la taille d'un bazooka. Y'a pas de concurrence, on vous baise. Fais Julio, pourtant on est même pas obèse. Faut pas après toi, t'es pas Gilly Lopez. Banks, si t'as faim, on se pète à l'hôtel. On pénètre le game, BTG, ma faquilla. Si on te nique ta mère, négo, oui, on connaît. Laisse de speed comme les rafales d'un bébé Reta. Appelle-moi Titan, Aka Smoky, M'bloca. Tu suces mais tu baisses pas, c'est même pas logique. On est assoiffé, donc paye-nous en liquide. Négro, je suis N-Dablock. Les coups chargés à bloc, y'a des barres et des blocs. Si tu veux, j't'en débloque. Ils se mettent à cavaler quand je dégaine le Glock. Kifty, roule à toc. Bibi est dans la planque. Réponds à Allo sans manque. Qui me donnera des billets de banque? Y'a rien à voir. Vu qu'on a tout pris, tu n'auras pas d'avoir. Tu connais le prix. Pocheton ou cellophane, ils nous copient parce que c'est nos fans. J'suis peut-être sur écoute, jette mon téléphone. Mes négros sont gang gang, j'suis dans le Benz Benz. Mon négro Freezer est équipé. Akaloba bang bang, j'veux des billets verts comme la Zebel que j'fume et fugais. Si tu veux j'te dame pou, vas-y twer. Baby même approche, j'suis broliqué. J'coupe après l'oseille, j'aime bien tes fesses, mais la monnaie m'a fidélisé. Mes négros sont gang gang, j'suis dans le Benz Benz. Mon négro Freezer est équipé. Akaloba bang bang, j'veux des billets verts comme la Zebel que j'fume et fugais. Si tu veux j'te dame pou, vas-y twer. Baby même approche, je suis broliqué, je trouve qu'après l'oseille, j'aime bien tes fesses, mais la monnaie m'a fidélisé. J'ai ma vie à qui là? Bex! Hey yo! Work hard music. It's so good. Je me jette dans le vide, Tu fonces dans le bâtiment. Est-ce que tu piges? Dans nos zones, ça lève comme un bâtiment. La mort t'a dans le viseur. Une balle et puis tu meurs. Faut que monsieur l'inspecteur, sa vie c'est depuis 12 heures. Je me jette dans le vide, Je suis foncé dans le bâtiment. Est-ce que tu piges? Ça lève comme un bâtiment, la mort t'as dans le viseur. Une balle et puis tu meurs. Faut que monsieur l'inspecteur, sa vie sert depuis 12 heures. Je plane là, je divague, je fume assis sur un âne. Je vois divache, je suis bloqué dans ma matrix. Mon pote, tu fire, Il faut que je fasse plus de sous. Oulala, je veux des billets de banque, me bloquer dans un palace. Que Dieu nous pardonne, nous les schmitts, on les caillasse. J'suis pas comme eux, moi j'rêve pas de Pinesaya. J'suis pas comme eux, j'avais Casolini. J'veux de la Monilini. L'ennemi j'élimine, appelle-moi Didi ou bien Didi. Je me jette dans le vide, J'suis foncé dans le bâtiment, est-ce que tu piges? Dans nos zones, ça lève comme un bâtiment. La mort t'a dans le viseur. Une balle et puis tu meurs. Faut que monsieur l'inspecteur, ça dissert depuis 12 heures. Je me jette dans le vide, J'suis foncé dans le bâtiment, est-ce que tu piges? Dans nos zones, ça lève comme un bâtiment. La mort t'a dans le viseur. Une balle et puis tu meurs. Faut que monsieur l'inspecteur, ça vicia depuis 12 heures. J'ai la vue, les tasses, la monnaie. Vicière, des envies, évidé. J'pèse le gain, j'me sens comme Obélix. J'vois pas de concurrence que des sangliers. J'aime la musique. C'est dans l'illégal que j'fais des billets. Tout le monde s'est tapé ta copine. Son trou de balle en tiré un cendrier. Et c'est pas le vesque, j't'ai pas oublié. La somme que tu dois est multipliée. Et si tu refais, j'vois qu'une seule solution. J'vais te niquer ta mère, j'vais pas te supplier. De nous, tu devrais te méfier. Royal des frites dans mon sablier. Distribuer, faire de l'argent, c'est ma mission. Je me jette dans le vide, J'suis

Work hard music, it's so good. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Et je roule en J. Avec mes OG. Ouais, je roule en J. Avec mes OG. Et je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Oui, je bois la lit. Et je roule en J. Je roule en J. Avec mes OG. Ouais, je roule en J. Avec mes OG. J'suis faillade, la ligne me rend malade. J'roule dans la ville avec Assad, ouais. Et j'reroule un ganja. L'odeur ouais. De la beuh et mon parfum. Fonce des tout sous ta gade. Nous on est à chaque que le matin. Dans nos zones c'est la NASA. Je cours après les nombres, non. Accompagné de mon ombre. Non, non, non, je veux pas d'amour, bitches. Je fonce, fonce, fonce après la maille et j'kiffe. Sombre, sombre, sombre, les lumières sont éteintes, donc j'quitte. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Et je roule en J. Avec mes OG. Ouais, je roule en J. Avec mes OG. Et je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Oui, je bois la lit. Et je roule en J. Avec mes OG. Ouais, je roule en J. Avec mes OG. Je ne vois pas la ligne, je la sirote. Je traîne la night avec mes pirates. Codé hymne aussi rock. Toutes ces bitches me croient pas que c'est moi qui rappe. J'y vais comme un clando sur sa pirogue. Pillage, enlève ta culotte. Soir, c'est moi qui pilote. Ça sera la fin de l'épilogue. Je connais la suite de l'épisode. Aucun plan bizarre. Mon Tushy se tord dans le blizzard. Je détaille la quête plat dans le bloc. Le fond, on est au codion. Ma team est sur le podium. J'ai pas le temps pour tous ces bouffons. Pour moi, je cours après les sommes. Que Dieu nous pardonne. Taranaitus ou Ganja. Et si je cartonne, je serai couvert d'or comme Soja. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Et je roule en J. Avec mes OG. Ouais, je roule en J. Avec mes OG. Et je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Oui, je bois la lit. Et je roule en J. Avec mes OG. Ouais, je roule en J. Avec mes OG. J'roule un skunk en vie dans la tête, mon cul au bête. J'te baisse pas même si t'es grave bête, t'as même pas de fesses. Massa, sa pilon, beuh, Philippe, Maurice. Majeur, en l'air j'passe le salam à la police. J'veux de l'oseille en quantité. Tous mes négros sont dans le bloc. PDG, Trix, mafia qui l'a, ne c'est super. La potion est codéinée. J'suis sous blanc toi cocaïna. Traîne entre dealers, charbonneur de la night. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Oui, je bois la lit. Et je roule en J. Avec mes OG. Ouais, je roule en J. Avec mes OG. Et je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Je bois la lit. Oui, je bois la lit. Et je roule en J. Avec mes OG. Ouais, je roule en J. Avec mes OG. BTG Mafia Killa. BTG Mafia Killa. Le reste on les kille. Ouais ouais ouais ouais. Hey yo. Ouais ouais ouais ouais. Hey yo. J'aime

Je postonne, je vis serré, puis j'encaisse. Fimou, négro Gizzy, vrai sauvage de l'Afrique, ma pia. Ça t'effrit des gros blocs de Tushy au placard. Bang! Ça vend ça en caisse. Foxy, les flics en quête. On triple bénéf. On ne connaît pas la grève. Aquarium dans la caisse. Partout où je passe, j'en fais un bang. Ça s'enfume dans la pièce. Ça vend ça en caisse. Foxy, les flics en quête. On triple bénéf. On ne connaît pas la grève. Aquarium dans la caisse. Partout où je passe, j'en fais un bang. Ça s'enfume dans la pièce. Je suis dans les dièses illégal avec la plupart de mes gars. Petite douleur dans le bras, à force viscère à gauche et à droite. Guidé par le mal, je suis un mec bien qui aime trop la maille. Fumée blanche, je fume un bail, trop faillard, donc je baille. Oui, je baille et je plane, je me sens mieux dans le noir. L'argent guide de mes pas, à chaque bénéf, je prends le large. Tire une masse, elle est bonne, aussi bonne que le boule à ta bonne. Bon, faut que je retourne faire des billets de banque. Ça vend ça en caisse. Foxy, les flics en caisse. On triple bénéf. On ne connaît pas la grève. Aquarium dans la caisse. Partout où je passe, j'en fais un bang. Ça s'enfume dans la pièce. Ça vend ça en caisse. Foxy, les flics en caisse. On triple bénéf. On ne connaît pas la grève. Aquarium dans la caisse. Partout où je passe, j'en fais un bang. Ça s'enfume dans la pièce. Work out music, it's so good. Pour des yébis, on fait midi, minuit. Enda bloqué, j'traîne qu'avec des charbonneurs de nuit. Enda bloqué. On est dans le bac et tu peux rien faire. Enda bloqué. Tu dois de l'argent, mais où sert le faire. Enda bloqué. Pour des yébis, on fait midi, minuit. Enda bloqué, j'traîne qu'avec des charbonneurs de nuit. Enda bloqué. On est dans le bac et tu peux rien faire. Enda bloqué. Tu dois de l'argent, ben on sort le faire. Enda bloqué. C'est la bâtard again, toujours répatant, vise comme une balle dans la tempe. Je me détends, la balle est dans mon camp. C'est moi qui mène la danse et c'est toi qui apprends. Ouais. Bébé, pourquoi tu parles de love? Je pense qu'à faire des loves et moi je suis pas un lover. Non. Oseille dans le cerveau d'un dealer. Enda bloqué, mes négros se mettent à dealer. Nique les coudés. Comme l'agriculteur, je vais faire mon blé. Je veux une montagne de billets comme le Mont Blanc. Je suis sur un BTG, sur une montée. Même si je comprends si mes ex m'ont tout à fond, je suis prêt pour le Zeyo, je vous graille à l'apéro. Ensuite je vous dis bye hasta luego. J'parle mes couches, je suis un hétéro. Nous on fuck et les fédéraux. Y'a pas de mélimélo. Tu veux de l'héros, je te donne mon numéro. Si y'a les gars, je suis broliqué. Si tu bouges de trop, je vais cliquer. Pour lever deux pas, besoin de briquer. C'est de la peur, ça attire les criquets. Allez. Je sors le canon scié. Ils se mettent à faire la Corée du YMCA. Belvedere dans le bidon. J'aime trop le cash, donc je vends du bidon avec du bidon. Pour des yébis, on fait midi, minuit. Enda bloqué, j'traîne qu'avec des charbonneurs de nuit. Enda bloqué. On est dans le bac et tu peux rien faire. Enda bloqué. Tu dois de l'argent, ben on sait le faire. Enda bloqué. Pour des yébis, on fait midi, minuit. Enda bloqué. J'traîne qu'avec des charbonneurs de nuit. Enda bloqué. On est dans le bac et tu peux rien faire. Enda bloqué. Tu dois de l'argent, ben on sait le faire. Enda bloqué. C'est la bâtard à gueule. On les baisse tous ces bâtards à gueule. Puis l'on veut, on te ramène. Tu payes pas une pull-up comme chez Conny. Mon flow est titanesque. Parce que je l'ai aromatisé. Salope me parle pas d'amour. Tu fais la meuf bien mais t'es baptisé. Rap pas de flow mais t'es gêné, c'est pas copié. Enda bloqué. Pas Jenny Lopez, moi j'peux capter les billets. Enda bloqué. Index sur la gâchette, si tu veux te faire allumer. Enda bloqué. Mes négros sont prêts à dealer. Jaco. Jaco, puissant. J'rafale en incognito. Après, j'me dépose, j'suis ma 7-Up Morito. Puissant, puissant, puissant. Et nu, rancuné comme Vegeta. Reta, reta, tu repars à l'hôpital aussitôt. Bloc, bloc. Jaco, puissant. J'veux des kilos, j'veux la puissance. Bâtard à gang, monte en puissance. La tête quand les baisse, leurs chiffres sont décroissants. Ra, ra, ra. Igo, j'ai la finition parfaite. Parfaite, parfaite. Igo, les munitions sont au Karcher. Jaco, Jaco. Pondé, Yebi, on fait midi, mini. Enda, bloqué. J'traîne qu'avec des chars, bonheur, des nuits. Enda, bloqué, bloqué. On est dans le bac et tu peux rien faire. Enda, bloqué. Tu dois de l'argent, ben on sort le fer. Enda, bloqué, bloqué. Pondé, Yebi, on fait midi, mini. Enda, bloqué. J'traîne qu'avec des chars, bonheur, de nuit. Enda, bloqué, bloqué. On est dans le bac et tu peux rien faire. Enda, bloqué. Tu dois de l'argent, ben on sort le fer. Enda, bloqué. Work hard music, it's so cool. Artek, Artek, on va te pull up. On va te pull up. Artek, Artek, on va te pull up. On va te pull up. On vend de la power à tes bolos. Bihana, sur le raté, midi, mini, ça rend pull up. Pa, pa, pow. Alors les mecs, c'est quoi le boulot? C'est quoi le boulot? On cherche le ralice comme Marco Polo. Ramène les yeux, bigard, c'est pas gratos. On va te pull up. J'vide le chargeur comme la taille, j'peux pas vomir. J'cavale si les chicken, j'les vois venir. 1, 2, 3 bolos qui m'appellent pour de la chenou. 1, 2, 3 soleil, j'vais t'allumer si t'es louche. Baby. Dans le balcon ça détaille, taille, taille. La skill. Dans le peupon ça détaille, taille, taille. Skull, skull. D'arrêt sans le usi, il faut les rigolos. Oh bloc, oh bloc. J'veux des billets verts, j'suis devenu écolo. Il faut les tarés, tarés, grari, tarif, tarif, on n'est pas reparé. Négro, négro. On va pas en reparler, on a taros, taré, viens pas râler, râler. Thanks. Sors le tarpé, la balle est dans ton corps, donc place-la dans son corps. Place-la dans son corps. Tiens-toi à carreau, carreau, chez nous ça tourne carré, j'mets vapeur dans le décor. Bah. Flug, flug, on débarque, ça fait boum, et ça sent la dépouille. Y'a ta mère sur mes couilles, t'es jaloux, je m'en fous. On grille comme une ampoule, poule, puis ça sent les poulets. Artek, on va te pull up. Denzo et Jiko sont le boulot. Négro, va te faire un coulo, suffit d'une balle pour que tu te retrouves là. Artek, Artek, on va te pull up. On va te pull up. Artek, Artek, on va te pull up. On va te pull up. On vend de la power à tes bolos. Bihana, sur le raté, midi, mini, ça rend pull up. Pa, pa, pa. Alors les mecs, c'est quoi le boulot? C'est quoi le boulot? On cherche le ralice comme Marco Polo. Ramène les yeux, bigard, c'est pas gratos. On va te pull up. Une frappe phénoménale. Je ne parle pas au confessionnal. On fait d'abord du sale pour nous-mêmes. Je suis seul en finale, on n'est pas professionnel. Reta, reta, reta. Sur le terrain, y'a pas toi additionnel. Non, non. Comment Gaer Max, toujours opérationnel. Opérationnel. Je suis souverainisé comme jamais. Les rappeurs sont pénalisés comme Jamel. Bah. T'as vécu, nous on s'en mal. Avec une seule balle suffit pour finir condamné. Puissant, puissant. D-D-D-Y-A-K 47 AK. Reta, reta, reta. On est les meilleurs, y'aura pas de points dégâts. Artek, Artek, on va pull up. On va pull up. Red Club codé, on va t'sirote. Bang, bang, bang. La cosse de l'eau, dans mon verre c'est de la sirote. Pow, pow, pow. Tout est coffré dans le bloc, allez boulette, si le café rose. Bang. On est armé comme des yakuza. J'te pull up, qu'est-ce qu'il y a cousin? Cousin. Caraï, ilo des pétames, bâtard, j'ai un brolic sous mon coussin. Titan, BTG, on veut de la monnaie ma via. C'est pour Melo et mes gorillas. On sort le tapé et le katana. Artek, Artek, on va t'pull up. On va t'pull up. Artek, Artek, on va t'pull up. On va t'pull up. On vend de la power à tes bolos. Bihana, sur le raté, midi, mini, ça rend pull up. Pa, pa, pa. Alors les mecs, c'est quoi le boulot? C'est quoi le boulot? On cherche le ralice comme Marco Polo. Ramène les yeux, bigard, c'est pas gratos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. On va t'pull up. En bloc. Et tu peux rien faire. Enda bloqué. Tu donnes de l'argent, ben on sort le fer. What is it? Work hard music. It's so good. J'suis dans la planche des clins, please.